Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, on va continuer dans le récit du prophète Moussa alayhi salam, l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Et on avait dans la première partie parlé de sa naissance et de son enfance et les conditions dans lesquelles il est né. Et on avait expliqué que par un concours de circonstances et bien entendu par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Moussa alayhi salam a grandi dans le palais du grand tyran et du grand mécréant qu'était Pharaon, Pharaon. Et on va poursuivre aujourd'hui dans l'histoire, incha'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère lorsque nous apprenons la science de la religion et lorsque nous pratiquons et appliquons ce que nous avons appris. Donc, à la fin du cours, la semaine dernière, nous avons expliqué que quand Moussa alayhi salam a grandi dans le palais de Pharaon, alors que Pharaon avait essayé de tuer les bébés dans le but de tuer celui qui allait venir pour terrasser son régime et pour changer sa religion. Mais Moussa a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a grandi jusqu'à un jour où, alors qu'il était dans une ville en Égypte et que c'était désert dans le sens où les gens étaient tous dans leur sieste, il faisait très chaud, le soleil frappait fort et il n'y avait personne dans les rues. Alors à ce moment-là, le prophète Moussa alayhi salam a trouvé deux personnes qui se battaient. Un qui faisait partie des Coptes, donc du peuple de Pharaon, et un qui était israélite, qui faisait partie des fils d'Israël, et donc qui était du peuple de Moussa alayhi salam. Et c'était connu à cette époque que les Coptes, ils faisaient beaucoup de mal et ils étaient injustes à l'égard de Banu Israël. Donc cet homme qui faisait partie de Banu Israël a vu Moussa alayhi salam et il l'a appelé au secours. Alors Moussa alayhi salam, il s'est approché de lui et pour le défendre, et il a frappé, il a donné un coup de poing au copte qui était un injuste. Sauf que quand il l'a frappé, le copte est mort. En un coup, il l'a tué. Alors, le prophète Moussa, alayhi salam, il est parti, et il mesurait les conséquences et ce qui risquait de lui arriver. Alors, il est parti, et effectivement, les gens, quand ils ont vu qu'un copte avait été tué, ils sont partis se plaindre à Pharaon, et Pharaon leur a dit, trouvez-moi le meurtrier, et trouvez-moi le témoin qui montre que c'est bien un tel le meurtrier, et moi je m'occuperai de lui, et je vous donnerai vengeance. Alors Moussa, alayhi salam, il ne se montrait pas, sauf que le lendemain, également, alors qu'il faisait extrêmement chaud, et qu'il n'y avait personne dans les rues, Moussa, alayhi salam, a trouvé ce même Israélite, ce même hébreu, cette même personne de Banu Israël, qui se battait avec un autre copte. Alors là, Moussa, alayhi salam, il a compris que l'autre, c'était un bagarreur, c'est quelqu'un qui cherchait les problèmes. Et donc, il lui a fait des reproches, il l'a blâmé. Mais en s'approchant, il s'est approché dans le but toujours de le défendre contre le copte. Sauf que comme il s'est approché en blâmant l'Israélite, et l'Israélite a vu sur le visage de Moussa alayhi salam les signes de la colère, il a cru qu'il se rapprochait pour le frapper lui. Alors, il a crié, « Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué le copte hier, tu vas pas me tuer comme tu as tué le copte hier. Alors là, le copte qui était présent, il a entendu ça. Il a déguerpi, il est parti en courant jusqu'à arriver chez Pharaon, et là il lui a dit que celui qui avait tué le copte, c'était Moussa, alayhi salam. Et on était arrivé là, dans le dernier cours, qui était la première partie de l'histoire du prophète Moussa, alayhi salam. Alors là, Pharaon, il a ordonné à toute son armée de chercher Moussa. Et il le connaissait, il avait grandi chez lui. Donc il a ordonné son armée pour qu'ils attrapent Moussa, et il a dit qu'il sera mis à mort, qu'ils allaient le tuer. Pourquoi ? Pour que plus aucun de Banu Israël n'ose tuer quelqu'un qui faisait partie des partisans de Pharaon. Donc il voulait faire de lui un exemple. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. C'est-à-dire que le lendemain, dans la ville, alors que Moussa alayhi salam faisait attention et surveillait si on n'allait pas le voir, parce qu'il avait tué la veille un copte, il a trouvé cette même personne de Banu Israël qui vient lui demander secours à nouveau. Alors Moussa alayhi salam lui a dit « Innaka lagawiyyun mubin ». Donc il lui a fait un reproche et il lui a fait comme un blâme, parce que c'était quelqu'un qui cherchait à chaque fois les problèmes, il était toujours dans les embrouilles. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. Donc dans ce verset, il est dit que quand Moussa alayhi salam s'est approché pour frapper le copte, alors à ce moment-là, cet homme de Banu Israël lui a dit « Moussa, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué quelqu'un hier ?» Tu ne cherches en réalité qu'à faire preuve d'injustice sur terre et tu ne cherches pas à être au nombre de ceux qui résolvent les problèmes, qui amènent la paix et la justice. Alors, quand Moussa alayhi salam s'est trouvé dans cette situation, bien entendu, il n'est pas resté là sur la route, hein, il s'en est allé et là, toute l'armée s'est mise à le chercher. Et il y avait quelqu'un qui faisait partie de la famille de Pharaon et qui était croyant, c'était un musulman, mais il cachait sa foi, il ne montrait pas, sinon il allait se faire tuer par Pharaon. Quand il a entendu cette nouvelle, et lui, il aimait Moussa, Moussa avait grandi dans le palais, il aimait Moussa, alayhi salam, il a eu de la compassion pour lui, alors il s'est précipité et il a devancé les soldats, et il a pris un chemin plus rapide hein, pour atteindre Moussa, alayhi salam, et il l'a trouvé avant l'armée. Et là, il lui a dit, Pharaon te cherche, ses ordres ont été donnés, hein, toute son armée est à ta recherche, alors je te conseille de quitter l'Égypte, pars, sinon ils vont te tuer. Et Moussa, alayhi salam, il a écouté son conseil, et à ce moment-là, il a quitté l'Égypte. Allah Ta'ala dit dans le Coran à ce sujet, وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Donc Moussa alayhi salam, il est parti, il a quitté l'Égypte et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le sauve du mal de Pharaon. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça ne veut pas dire que Moussa alayhi salam était un lâche. Non, ça n'est pas de la lâcheté quand tu es tout seul et qu'il y a toute une armée qui est à ta recherche pour te tuer. Ça n'est pas de la lâcheté de quitter la ville ou de quitter le pays pour éviter de te retrouver dans la situation où tu te fais attraper. Mais c'est du bon sens. Les prophètes ont été préservés des attributs qui sont comme une tare ou qui sont indignes du rang de la prophétie. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun prophète qui a été lâche. On n'attribue pas ni à Moïse, Moussa alayhi salam, ni au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni au prophète Ibrahim alayhi salam, ni à personne parmi les prophètes, on ne leur attribue pas la lâcheté. C'était pas des lâches, au contraire, c'était les plus courageux des hommes. Les prophètes ont les meilleurs des attributs qui puissent être accordés ou donnés à des êtres humains. Ce sont des modèles pour nous et des modèles pour le reste de la création. Donc, le prophète Moussa alayhi salam, il a quitté l'Égypte et il est parti en quelle direction? Il est parti dans la direction de la ville de Madian. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Madian? Madian, on en avait parlé pendant le mois de Ramadan, c'était la ville du prophète Shu'aib alayhi salam. Et il y a un cours qui avait été donné à ce moment-là sur le prophète Shu'aib, qui était un des quatre prophètes arabes. Je vous avais dit que de parmi les 124 000 prophètes qui ont été envoyés, il n'y a que quatre qui étaient arabes. Le prophète Hud, le prophète Salih, et le prophète Shu'aib, et le prophète Muhammad, alayhim salat wa salam. Et on avait raconté l'histoire du prophète Shu'aib et de son peuple qui avait mécru en lui et à qui il était arrivé un châtiment et l'anéantissement. Et Shu'aib, alayhi salam, et les quelques croyants qui l'ont suivi ont été bien sûr préservés. Où habitait Shu'aib? Il habitait dans la ville de Madian. Le prophète Moïse, Moussa, alayhi salam, il a marché pendant 8 jours jusqu'à arriver dans la ville de Madian, la ville du prophète Shu'aib, alayhi salam. Et le prophète Moïse, Moussa, alayhi salam, il n'avait pas de provisions quand il est parti. Et il n'avait pas de monture. Donc, pendant les 8 jours, il se nourrissait des feuilles d'arbres qu'il voyait en chemin. Mais bien évidemment, quand il est arrivé à destination, il était fatigué. Quand il est arrivé, il avait faim. Et donc, quand il est arrivé à Madian, il a trouvé un arbre et il s'est assis à côté de cet arbre. Il s'est assis sous cet arbre qui lui faisait de l'ombre et il se reposait. À ce moment-là, il a vu deux femmes. Et ces deux femmes, c'était des sœurs. L'une était la sœur de l'autre. Et ces deux femmes, elles gardaient un troupeau de moutons. Et elles cherchaient à abreuver leurs moutons d'un puits, sauf qu'à côté de ce puits, il y avait des hommes qui étaient là et qui abreuvaient leurs moutons à eux. Donc, les autres bergers, ils étaient autour du puits, et c'est eux qui s'étaient accaparés le puits. Et les deux femmes, par pudeur, elles ne se sont pas mélangées aux hommes. Et donc, elles attendaient que les hommes terminent pour pouvoir aller, elles, au puits et pour pouvoir abreuver leurs bêtes. Sauf que quand les hommes ont fini de puiser de l'eau du puits pour leurs animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté un immense rocher à 10. Et il y avait besoin de 10 personnes pour porter le rocher, et ils l'ont posé sur la tête du puits. Donc les deux femmes, elles se sont retrouvées à côté du puits, mais avec un rocher qui a besoin d'être porté par 10 personnes, et elles n'avaient pas abreuvé leurs animaux, leurs moutons. Alors, le prophète Moussa, alayhi salam, c'était un prophète, il a eu de la compassion, et il a eu pitié d'elles. Alors, il leur a déjà demandé comment ça se fait que c'est vous qui vous occupez de votre troupeau. Il n'y a pas un homme avec vous, il n'y a pas quelqu'un dans votre famille. Alors elles lui ont dit qu'elles avaient un père. Et leur père était un homme âgé. Et il n'a pas eu de fils qui puisse s'occuper de ses moutons. Et comme lui, il était âgé, alors c'est ses deux filles qui s'occupaient de ses moutons. Et comment s'appelait leur père? Il s'appelait Shu'aib. Alors là, il y a divergence entre les savants. Certains savants ont dit que c'était le prophète Shu'aib alayhi salam qui avait vécu longtemps après la mort de son peuple, après l'anéantissement des mécréants de son peuple. Il avait vécu longtemps jusqu'à l'époque du prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Et d'autres savants ont dit que c'était un homme qui s'appelait Shu'aib, mais c'est un autre Shu'aib et ça n'était pas le prophète Shu'aib. Donc il y a divergence sur le sujet, mais beaucoup de savants ont dit que c'était bel et bien le prophète Shu'aib, le père de ses deux filles. Alors Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti jusqu'au puits et tout seul, il a porté le rocher et il l'a sorti de son endroit. Ça veut dire qu'il a libéré le puits. Et je rappelle que c'était un rocher qui avait besoin de 10 hommes pour être soulevé. Et Moussa alayhi salam, c'était un prophète. Et les prophètes, Allah Ta'ala, leur a accordé une force supérieure au reste des êtres humains. Les prophètes étaient extrêmement forts. Alors, il a pu prendre de l'eau et ils ont pu abreuver les moutons de ces deux femmes qui étaient les filles de Shu'aib, alayhi salam. Et après, le prophète Moussa, alayhi salam, il a remis le rocher à sa place et il est parti s'asseoir à l'ombre de l'arbre. Et il a invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Donc dans ces versets, il est raconté que Moussa alayhi salam a invoqué Allah quand il s'est dirigé vers la ville de Madian, et alors qu'il a trouvé un endroit où il y avait de l'eau, donc le puits, il a vu des gens qui abreuvaient leurs moutons à partir de ce puits, et il a vu deux femmes qui étaient sur le côté. Et quand il leur a demandé « Qu'est-ce qu'il vous arrive? Pourquoi êtes-vous là ?» Elles ont dit « On attend que les autres s'en aillent pour pouvoir abreuver nos moutons et notre père est un homme âgé. » Alors, il les a aidés à abreuver leurs moutons, puis il est retourné à l'arbre et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il l'a remercié. Donc, toute cette histoire-là, elle est citée dans Surat Al-Qasas. Donc, ces versets-là, ils sont dans Surat Al-Qasas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Les deux femmes, elles se sont dépêchées et elles sont retournées chez leur père. Et elles sont parties, leur père qui était le prophète Shu'aib, alayhi salam, selon ce qu'ont dit certains savants, et elles sont parties lui raconter ce qui s'était passé. Elles lui ont dit que Moussa, ben, c'était un homme qui les avait aidés, et en plus, il était fort, mashallah, et elles lui ont demandé d'inviter Moussa pour le récompenser parce qu'il les a aidés. Alors Shu'aib, alayhi salam, il était content quand il a entendu ça et il a envoyé une de ses deux filles pour aller inviter Moussa. Et cette fille-là, qui était une des deux sœurs, elle est donc retournée voir Moussa, mais elle marchait avec pudeur. Elle marchait avec de la retenue parce qu'elle était pudique. Et quand elle est arrivée auprès du prophète Moussa, alayhi salam, elle lui a dit « Mon père t'invite et il veut te récompenser pour ce que tu as fait pour ma sœur et moi. » Et Moussa, alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il était d'accord, il est parti avec elle. Sauf qu'il lui a dit « Marche derrière moi. » Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le vent, il plaque les habits de cette femme et qu'il laisse deviner les formes de son corps, tellement il était pudique lui aussi, pour pas que le vent, il montre les formes du corps de cette femme, qui elle ne montrait pas ses formes, mais au cas où le vent allait souffler et montrer les formes de cette femme, alors Moussa alayhi salam a préféré marcher devant pour ne rien voir. Il lui a dit, je marche devant, toi tu marches derrière et tu m'indiqueras le chemin. Masha'Allah. Masha'Allah, au sujet de ce prophète, qui était un prophète et qui avait bien entendu, comme j'ai dit, les meilleures des qualités, et parmi eux, parmi ses qualités, la pudeur, et Masha'Allah pour cette femme, qui était également extrêmement pudique. Donc, elle s'est mise à marcher derrière lui, et elle lui donnait les indications nécessaires. Alors certains ont dit qu'elle prenait des cailloux, et elle jetait un caillou vers la droite pour qu'il aille vers la droite, et elle jetait un caillou vers la gauche pour qu'il aille vers la gauche. Et jusqu'à ce qu'il soit arrivé auprès du prophète Shu'aib, alayhi salam. Et là, quand il lui a raconté son histoire, Shu'aib, il l'a apaisé, il l'a tranquillisé, il l'a rassuré, et il lui a dit que Allah Ta'ala t'a sauvé des injustes, parce que Pharaon, il a aucun pouvoir à Madian. Il ne gère pas la ville de Madian. Donc ici, tu es en sécurité. Et à ce propos, Allah Ta'ala dit dans le Coran, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Dans ce verset, Allah Ta'ala a dit que quand l'une des deux sœurs a marché avec pudeur jusqu'à arriver à Moussa alayhi salam, elle lui a dit « Mon père t'invite pour te récompenser de ce que tu as fait pour nous ». Et quand Moussa est arrivé, quand il est arrivé à Shu'aib et qu'il lui a raconté ses histoires, hein, tout ce qui lui était arrivé, « Qala la takhaf », il lui a dit « Ne crains rien, n'aie pas peur, najauta min al-qawmi al-zalimin », c'est-à-dire que tu as été sauvé des injustes. Et il y a une des deux filles qui a demandé à Shu'aib alayhi salam d'embaucher le prophète Moussa, étant donné qu'il était fort, il avait soulevé un rocher et qu'il était véridique et qu'ils ont vu en lui de l'honnêteté. Alors, et en plus, il était pudique, puisqu'elle a raconté à son père que Moussa, alayhi salam, il a préféré marcher devant pour ne pas voir les formes de cette femme si le vent allait souffler. Alors, elle lui a dit, embauche-le pour qu'il travaille à s'occuper de tes moutons, parce que c'est un homme qui est bon et qui est véridique et qui est honnête. Et à ce propos, Allah Ta'ala dit dans le Coran au sujet de cette femme qu'elle a dit, يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. C'est-à-dire, ô mon père, fais-le travailler pour toi, parce que la meilleure personne que tu peux faire travailler pour toi, que tu peux employer, c'est celui qui est fort et honnête. Or, Moussa alayhi salam, il était fort et il était honnête. Alors, Shu'aib, il a proposé à Moussa alayhi salam de lui donner sa fille en mariage, et en échange, la dot, ça allait être quoi? Ça allait être de travailler pour lui, soit pendant 8 ans, soit pendant 10 ans. Il lui a laissé le choix. Soit il allait travailler pour lui en s'occupant de ses moutons pendant 8 ans, ou alors pendant 10 ans, il l'a laissé décider de cela et il lui a proposé quelle fille? C'était la fille qui était partie chercher le prophète Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. C'est-à-dire que Shu'aib a dit à Moussa alayhi salam, je souhaite te donner une de mes deux filles en mariage, et en contrepartie, donc la dot, c'est que tu travailles pour moi pendant 8 années à s'occuper de son bétail, et si tu montes jusqu'à 10 années, alors c'est un bien de ta part, c'est une bienfaisance de ta part, et moi je ne veux pas c'est-à-dire je ne veux pas t'en donner beaucoup, je veux pas te charger beaucoup, et tu me verras au nombre des vertueux, tu me verras au nombre des vertueux. Alors Moussa alayhi salam, il lui a dit ce qui est cité dans le Coran, قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Donc Moussa alayhi salam, il a accepté et il lui a dit quelle que soit la période que je choisis, je ne serai pas blâmable, dans le sens où je peux choisir les 8 ans ou je peux choisir les 10 ans. Évidemment, Moussa alayhi salam, qui agissait avec bienfaisance, il a choisi les 10 ans et il est resté à Madian pendant 10 ans à s'occuper des animaux du prophète Shu'aib alayhi salam. Au bout de 10 ans, ça faisait long quand même, 10 ans loin de sa famille, Moussa alayhi salam, il a ressenti l'envie, après avoir terminé ces 10 années justement, Hein, il était marié avec sa femme, il a eu des enfants, et il a terminé ce travail pendant 10 ans. Et je rappelle que tous les prophètes, pendant une période de leur vie, ils ont eu à s'occuper de moutons, ils ont eu à s'occuper d'animaux. Et il y a une sagesse en cela, parce que cela t'apprend la patience et t'aide, et cela les aide par la suite à être capables de gérer un peuple, de gérer une communauté. Donc il y a beaucoup de sagesse dans le fait qu'Allah Ta'ala a accordé à chaque prophète une période de sa vie où il a eu à s'occuper d'animaux. Ça apprend la patience, ça apprend à s'occuper des différents animaux et chaque animal est différent de l'autre, etc., etc. Donc au bout de 10 ans, le prophète Moussa alayhi salam a décidé de rentrer à la maison, de rentrer en Égypte. Et jusque-là, il n'avait pas encore reçu la révélation. Jusque-là, il n'était pas encore devenu prophète appelé à l'islam. Les prophètes, c'est à un moment donné dans leur vie qu'ils reçoivent la révélation et c'est à partir de là qu'ils se mettent à appeler les gens à l'islam, qu'ils reçoivent l'ordre de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a donc pris sa femme, il avait 2 enfants, sa femme était enceinte et ils ont voyagé de Madian jusqu'en Égypte. Je vous rappelle qu'à l'aller, il avait mis 8 jours tout seul, alors que c'était un homme fort, il avait mis 8 jours pour arriver à Médienne. Au retour, il était dans une période hivernale, donc c'était l'hiver, il faisait froid, et sa femme avait 2 enfants et elle était enceinte. À un moment donné, alors que la nuit elle était bien sombre et qu'il faisait bien froid, le prophète Moussa alayhi salam a voulu allumer un feu. Et l'ustensile qu'il utilisait pour allumer le feu, il n'a pas marché. Il pleuvait, il y avait de l'orage, il y avait du tonnerre. Donc c'était vraiment une nuit qui n'était pas, des plus tranquilles. Et le prophète Moussa alayhi salam, dans cette nuit qui était obscure, il s'est perdu avec sa famille, il ne retrouvait plus la route qui était habituelle. Alors, quand il a essayé d'allumer un feu, il n'a pas réussi à allumer le feu. Il a vu au loin, à côté du mont At-Tur, de la montagne At-Tur, il a vu une lumière et il a cru que cette lumière, c'était un feu. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, « وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Et c'est-à-dire que est-ce que l'histoire de Moussa était parvenue alors qu'il a vu comme un feu, donc il avait, lui il croyait que c'était un feu, en fait c'était une lumière, il a dit à sa famille, restez là. Et moi, je vais aller voir et en espérant pouvoir venir avec du feu ou pouvoir être guidé. Moussa alayhi salam, il a laissé sa famille là où elle était. Il s'est rapproché de la lumière et quand il a vu la lumière, en réalité, il n'y avait pas un feu avec des flammes et de la fumée. Mais c'était une lumière particulière qui était immense et qui allait du ciel jusqu'à la terre. Et il y avait un arbre qui était immense à cet endroit-là et cet arbre était vert et la lumière elle partait de cet arbre et elle montait jusqu'au ciel. Certains ont dit que c'était l'arbre de Al-Awsaj, c'est un arbre qui est épineux. Et Moussa alayhi salam, quand il a vu cette lumière, là il a hésité. Et Allah Ta'ala a fait descendre sur lui la révélation. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. À ce moment-là, quand Moussa alayhi salam était dans cet endroit, il voyait cette lumière qui allait de la terre jusqu'au ciel. Il a reçu la révélation et Allah Ta'ala lui a fait entendre sa parole éternelle qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Et je rappelle que la parole d'Allah, c'est pas des lettres et des sons. C'est pas une langue, ni une langue arabe, ni une langue hébraïque. Parce que les lettres et les sons sont créés. Les langues, que ce soit l'arabe, l'araméen, l'hébreu, le latin, le grec, ce sont des langues qui sont créées, qui ont un début à leur existence et une fin à leur existence. Alors que la parole d'Allah, elle est éternelle. Elle ne ressemble pas à la parole des créatures. Vous allez me dire, oui, mais dans le Coran, il est dit que Dieu a dit « Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni » Et cette phrase est en arabe. Oui, cette phrase qui est en arabe, parce que le Coran est en arabe, hein, le Coran que l'on lit avec notre bouche, elle exprime ce qu'Allah Ta'ala a dit à Moussa. Ça exprime la parole d'Allah. Ça ne veut pas dire que Dieu a dit cette phrase en arabe. De la même manière que Moussa alayhi salam, à un moment donné, il a répondu, il a parlé, et cette parole que le prophète Moussa alayhi salam a dite, elle est écrite dans le Coran en arabe. Et pourtant, le prophète Moussa alayhi salam, il ne parlait pas l'arabe, il parlait hébreu. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. Quand Allah Ta'ala a révélé à Moussa alayhi salam qu'est-ce qu'il avait dans sa main, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, au Moussa, Moussa alayhi salam, il a dit, c'est mon bâton, je m'en sers pour m'appuyer dessus et je m'en sers également pour frapper les arbres, pour que les feuilles elles tombent et je peux nourrir mes animaux avec ces feuilles qui tombent des arbres. Cette phrase, elle est en arabe dans le Coran. Mais Moussa, il l'a pas dit en arabe. Donc on comprend bien que c'est pas parce qu'une phrase est en arabe dans le Coran que ça veut dire que Moussa, il a dit exactement cette phrase en arabe, il parlait hébreu. Mais la phrase qui est dans le Coran, elle exprime ce que Moussa alayhi salam a dit. Vous comprenez? Et également, quand dans le Coran il est dit que Dieu dit, et après il y a une phrase en arabe, ça ne veut pas dire que Dieu il a dit cette phrase en arabe. L'arabe c'est une créature de Dieu, les langues sont des créatures de Dieu. Mais les phrases en arabe qui sont dans le Coran, elles expriment la parole d'Allah qui, elle, est éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Ce n'est pas un son, ce n'est pas une voix, ce n'est pas des lettres et des syllabes et des consonnes et des voyelles qui se succèdent les unes les autres. Parce que ça, c'est la parole des créatures. Et l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, il a dit une parole qu'il est très important d'apprendre par cœur. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un cours, je crois même dans le dernier cours. Il a dit, وَاللَّهُ يَتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامِنَا نَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ مِنَ الْمَخَارِجِ وَالْحُرُوفِ وَاللَّهُ يَتَكَلَّمُ بِلَا آلَاتٍ وَلَا حَرْفٍ. C'est-à-dire, Dieu parle, mais pas comme nous parlons. Nous, nous parlons avec des instruments, hein, des points de prononciation, qui sont nos parties de notre bouche, et des lettres. Et Allah parle sans instrument et sans lettres. Mais il est un devoir de croire qu'Allah a pour attribut la parole. Et Dieu dit dans le Coran, « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » C'est-à-dire, et Allah a parlé à Moussa assurément. Ce n'est pas comme les Mu'tazilites disent. Les Mu'tazilites, ils prétendent, et ça c'est un grand égarement, hein, c'est contraire à la foi en Allah et en ses attributs, les Mu'tazilites prétendent que Dieu n'a pas d'attributs. Et quand ils lisent ce verset du Coran, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, ils disent, non mais Dieu il a créé un son qui est sorti de l'arbre qui était à côté de Moussa. Non! Dieu dit dans le Coran, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, c'est-à-dire Dieu a parlé à Moussa assurément. Taklima, c'est un masdar qui vient enlever la possibilité du sens figuré dans cette phrase. Ça veut dire, ici, parler, c'est au sens propre. Allah a fait lever le voile qui empêche d'entendre sa parole. Et Moussa, alayhi salam, a entendu la parole d'Allah qui n'est pas un son, qui n'est pas une voix, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Et il en a compris ce qu'il en a compris. Qu'est-ce qu'il en a compris? Il en a compris ce qui est cité dans le Coran. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. C'est-à-dire, je suis Allah et il n'est de Dieu que moi. Adore-moi. Bien entendu, les prophètes adorent Allah et n'adorent pas autre qu'Allah. Et ce, depuis leur plus jeune enfance, ils n'ont jamais un prophète n'a mécru. Tous les prophètes ont toujours été croyants. Allah Ta'ala dit également dans le Coran: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Donc quand Moussa est arrivé dans cette terre bénie qui était le mont Toua, le mont At-Tour, et c'était la vallée de Toua. Quand il est arrivé dans cet endroit béni, il a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala éternel. Et Allah lui a révélé qu'il était le Seigneur des mondes et que Moussa alayhi salam était donc un prophète et qu'il devait porter le message à Pharaon et à son peuple. Il devait porter le message à Pharaon. Et Allah ta'ala a révélé à Moussa de ne pas avoir peur et d'enlever ses souliers, d'enlever ses sandales. Allah Ta'ala a dit dans le Coran: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ. Donc il lui a ordonné de retirer ses sandales et Moussa alayhi salam, il a retiré ses sandales. Il a marché dans la terre bénie et Allah lui a ordonné de jeter son bâton qu'il tenait dans sa main droite. Et quand Moussa alayhi salam a jeté son bâton, le bâton s'est transformé en un immense serpent. Et Moussa alayhi salam, c'est un être humain, c'est un prophète, mais c'est un être humain. Il voit un immense serpent qui a des canines qui sont énormes. Et le serpent, quand il ouvrait sa gueule, il y avait une hauteur de 40 coudées. Donc il était vraiment grand. Et il se déplaçait rapidement. Alors Moussa alayhi salam, quand il a vu son bâton se transformer sous cette apparence-là, il a fait demi-tour et il s'est éloigné sans se retourner. Comme c'est cité dans le Coran. Et bien entendu, ceci n'est pas de la lâcheté non plus. Les prophètes sont dotés de cette peur naturelle que les êtres humains ont et qui peut arriver quand surgit un immense serpent. Allah Ta'ala dit dans le Coran: « وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. » Donc quand il a jeté son bâton par ordre d'Allah et que le bâton s'est transformé en un immense serpent, il a fait demi-tour, il a fait marche arrière et il ne s'est pas retourné. Et Allah Ta'ala dit également dans le Coran: قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. Dans ce verset, il est bien expliqué que quand Moussa alayhi salam a jeté le bâton est devenu un vrai serpent. Il s'est transformé en un serpent qui se déplaçait. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Et Allah Ta'ala lui a ordonné de revenir au serpent. Et il lui a fait savoir qu'il était en sécurité. Et il lui a ordonné de saisir le serpent, de le prendre. Et quand il a posé sa main dessus, le serpent, il s'est transformé à nouveau en un bâton par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. C'est-à-dire que Allah lui a ordonné de le prendre et de ne pas avoir peur, et le bâton allait redevenir comme il était. C'est-à-dire que le serpent allait se retransformer en un bâton. Ça, c'était un signe, c'était un miracle qu'Allah lui a accordé pour que Moussa alayhi salam montre ce miracle à Pharaon, quand il allait l'appeler à l'islam. Ça y est, là, c'était devenu le moment pour le prophète Moussa alayhi salam de recevoir la révélation et d'appeler son peuple en Égypte à l'islam et d'appeler Pharaon le tyran à l'islam. Ça, c'était le premier signe. Deuxième signe, Allah Ta'ala a ordonné à Moussa de glisser sa main dans la fente de sa tunique. Le haut de son vêtement, il devait glisser sa main à l'intérieur et la ressortir. Et quand il a glissé sa main dans son vêtement, à l'intérieur de son vêtement, par le haut, et il a ressorti sa main, elle est devenue blanche, avec une blancheur scintillante. Pas une blancheur maladive, comme quelqu'un qui est malade, qui a la maladie du vitiligo ou autre, mais c'était une blancheur comme la lumière de la lune. C'était une belle blancheur qui brillait, qui scintillait. Puis, Allah lui a ordonné de remettre sa main à l'intérieur de son vêtement, il l'a remise et quand il l'a sortie, la main était redevenue comme elle était. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. C'est-à-dire, et fais entrer ta main dans la fente de ta tunique, et elle sortira blanche, sans être une blancheur de maladie. Et ceci fait partie des 9 signes, fi tis'i ayat, des 9 signes, ila fir'auna wa qawmih, les 9 signes qui seront montrés à Pharaon et à son peuple, le peuple de Pharaon qui était des mécréants, qui ne croyaient pas en Allah, mais ils adoraient Pharaon, ils adoraient Pharaon. Et en fait, ces deux miracles-là, le bâton et la main qui devenait blanche scintillante, c'était 2 parmi 9 miracles, 2 parmi 9 signes. Et Allah nous apprend dans le Coran qu'il a accordé à Moussa alayhi salam 9 signes. Dieu dit dans le Coran: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. C'est-à-dire, et nous avons accordé à Moussa 9 miracles évidents, 9 signes qui sont frappants et qui sont éminents. Et le bâton et la main, c'était déjà 2 parmi les 9 signes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Moussa alayhi salam de prendre ces 2 signes-là, ces 2 miracles-là, hein, la main et le bâton, et d'aller appeler Pharaon à l'islam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on verra, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إن شاء الله تعالى. Si vous avez des questions, j'active le chat et vous pouvez poser quelques questions. Et en attendant les questions, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque live par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam sans apostrophe, l'islam.simplement@gmail.com, l'islam.simplement@gmail.com. Je rappelle également qu'il y a cours en ce moment tous les lundis à 20h, tous les jeudis à 20h et tous les samedis à 20h. Donc si quelqu'un a des questions, vous pouvez écrire sur le chat maintenant. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Alors oui, on m'a demandé pourquoi on avait arrêté le chat. Des fois, ça déconcentre le fait que les gens parlent pendant le cours. Donc on s'est dit que dans certains cours, on allait couper le chat et le mettre juste à la fin. Alors quelqu'un demande, le prophète Moussa alayhi salam n'a pas reçu la révélation par l'ange Gabriel. Le prophète Moussa alayhi salam fait partie des rares prophètes qui ont entendu la parole d'Allah, c'est-à-dire la parole d'Allah qui est son attribut, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a entendu la parole d'Allah. Le prophète Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah. Et certains savants ont dit que le prophète Adam alayhi salam également a entendu la parole d'Allah. Et parmi les anges, il y a l'ange Jibril alayhi salam qui a entendu, qui entend la parole d'Allah, qui n'est pas des lettres et qui n'est pas des sons. Cela ne veut pas dire que l'ange Gabriel n'est jamais venu voir le prophète Moussa alayhi salam. Mais au moment où il a reçu la révélation, c'est comme ça que ça s'est passé et c'est cité dans le Coran, dans les versets que j'ai récités. Quelqu'un demande pourquoi le Saint-Coran est écrit en langue arabe. Le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui parlait la langue arabe. Tout comme les psaumes ont été révélés au prophète David, Daoud alayhi salam, dans sa langue. Et la Torah a été révélée, la Torah authentique je parle, hein, pas le livre de notre époque qui est plein de falsifications, mais la Torah authentique qui n'existe plus actuellement, et qui a été révélé au prophète Moïse, alayhi salam, ben c'était dans la langue du prophète Moïse, alayhi salam. Et également, l'évangile qui a été révélé au prophète Jésus, l'Injil, l'évangile authentique, a été révélé dans la langue du prophète Jésus, alayhi salam. Mais cela ne veut pas dire que le Coran est uniquement pour les Arabes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité et même aux djinns. Allah Ta'ala dit dans le Coran « لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا » c'est-à-dire afin qu'il soit un avertisseur. لِلْعَالَمِينَ العالمين ici c'est les êtres humains et les djinns. Alors, en ce qui concerne la création d'Allah des cieux et de la terre, on ne dit pas qu'il s'est établi le septième jour sur le trône. Non. Ce qui est cité dans le Coran, c'est « ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ». Et comme j'ai déjà dit dans de nombreux cours, et je t'invite à écouter la playlist « Tawhid », la croyance musulmane, dans laquelle, à plusieurs reprises, j'ai parlé de ce sujet. Allah Ta'ala, il a créé le trône, il n'a pas besoin du trône. Alors, que veut dire « ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ » Ça veut dire, comme les savants ont dit, qu'Allah Ta'ala domine le trône par sa toute-puissance. Mais ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est assis ou bien il s'est établi sur le trône. Ceci n'a pas de sens et ceci est contraire à la croyance en l'unicité de Dieu, parce que celui qui s'assoit sur un trône n'est pas unique. Les rois s'assoient sur des trônes. Alors, en ce qui concerne la question de F espace EL, Allah ta'ala, on dit qu'il a parlé à Moussa assurément. J'utiliserai pas l'expression de vive voix, parce que de vive voix, ça indique une voix. Or, Allah a créé les voix et les sons. Mais on dit que Allah a fait entendre à Moussa sa parole qui est son attribut éternel, qui n'est pas des lettres et qui n'est pas des sons. Oui, ça n'était pas une, ça n'est pas au sens figuré. Il n'a pas créé un son dans un arbre que Moussa a entendu. Comme on peut voir des fois dans certains dessins animés ou dans certains films, ou certains qui prétendent qu'il y a une voix grave qui sort comme ça en off, et ils disent que c'est soi-disant la voix de Dieu, wal'iyadhu billahi ta'ala. Ça, c'est de l'assimilationnisme. Ça revient à faire ressembler Dieu à ses créatures. On dit qu'Allah a fait entendre à Moussa sa parole éternelle. Il a levé le voile qui empêche, le voile, c'est pas un voile, un rideau, hein, c'est pas au sens physique, mais c'est au sens qu'Allah a levé l'empêchement qui nous empêche d'entendre sa parole dans ce bas monde. À Moussa alayhi salam, il a levé ce voile de sorte que Moussa a pu entendre la parole éternelle de Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas une voix, qui n'est pas un son. Quelqu'un demande, est-ce que Moussa est descendant du prophète Ya'qub alayhi salam? Oui, Moussa fait partie de Banu Israël, le peuple des fils d'Israël. Donc il descend de l'un des 12 fils du prophète Israël, qui est le prophète Ya'qub alayhi salam. Israël, c'est un autre nom du prophète Ya'qub alayhi salam. Donc Moussa descend bien du prophète Ya'qub alayhi salam. Quelqu'un demande, qu'en est-il du prophète Haroun alayhi salam? Y a-t-il un récit sur lui? Je t'invite à nous écouter jeudi prochain, Inch'Allah, et on parlera du frère de Moussa alayhi salam qui s'appelle Haroun. Quelqu'un demande, est-ce que Pharaon a cessé de considérer comme son fils Moussa? Je t'invite à nous écouter jeudi prochain, Inch'Allah, pour voir ce qui s'est passé par la suite. Quelqu'un demande, Allah a créé toutes les langues? Bien sûr, Allah a créé tout ce qui existe et qui est autre que lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. C'est-à-dire, et Allah a créé toutes choses. Donc même les langues sont créées. Quelqu'un demande, est-ce que Pharaon a eu des enfants avec Asya? Non, comme on l'a dit la semaine dernière, Pharaon n'a pas eu d'enfants avec Asya. Mais il a eu des enfants avec d'autres femmes. Quelqu'un demande, à propos des 6 jours dans lesquels les cieux et la terre ont été créés, est-ce que ce sont des jours célestes, c'est-à-dire qui valent 1000 années mondaines, ou bien ce sont des jours mondains? Ce qui nous a été rapporté, c'est que 1 jour parmi les 6 jours correspond à 1000 années de ce que nous comptons. Et si Allah l'avait voulu, il aurait créé les cieux et la terre en un instant, en une fraction de seconde. Mais Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre dans 6 jours, pour nous apprendre ce qu'on appelle en arabe « at-ta'anni fil umur », donc de prendre notre temps lorsque nous faisons les choses. Mais Allah Ta'ala, il est tout puissant, et s'il avait voulu que les cieux et la terre soient créés dans une période très courte, ils auraient été créés dans une période très courte. Quelqu'un a dit, Allah n'a pas cité tous les prophètes dans le Coran. Combien y en a-t-il eu? Alors, il y a divergence à ce propos. Certains savants rapportent un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et notamment Ibn Hibban, radiyallahu anhu. Et lui, il a considéré ce hadith comme étant fiable. Et ce hadith, dans ce hadith, il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il y a eu 124 000 prophètes, parmi eux 313 messagers. Et le compagnon a demandé, est-ce que Adam alayhi salam en faisait partie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à l'affirmative, Nabiyun Mukallam. Maintenant, il y a d'autres savants qui ont jugé ce hadith faible. Et c'est pour cela qu'il y a une divergence sur le nombre de prophètes. Certains savants ont dit qu'il y a eu 8000 prophètes. Et il y a des savants qui ont dit qu'il convient de ne pas préciser le nombre pour ne pas ajouter quelqu'un dans le nombre des prophètes. Alors qu'il n'en fait pas partie, et pour ne pas retirer quelqu'un qui fait partie des prophètes en donnant un nombre qui est plus petit que le vrai nombre. Donc il y a divergence. Mais dans le Coran, il y a 25 prophètes qui sont cités par leur nom. Allah Ta'ala a créé toutes choses. Là, je réponds à celui qui s'appelle Code 127, Code 19. Allah Ta'ala a créé toutes choses. Même quand on dit que nous, on va façonner quelque chose, ou on va inventer un alphabet, ou on va inventer une langue, dans tous les cas, c'est la création d'Allah, tout cela. Tout ceci fait partie de la création d'Allah. Celui qui attribue à autre qu'Allah le fait de créer dans le sens de faire surgir les choses du néant à l'existence, celui-là aura associé Allah à ses créatures. Et ça, c'est le shirk. Ça, c'est contraire à l'islam. Celui-là, il doit revenir à l'islam par la prononciation des deux témoignages, en disant « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu, et en ayant pour croyance qu'il n'y a qu'un seul créateur, dans le sens de faire surgir les choses, du néant à l'existence. » Donc, qui a créé la terre et le ciel, et les êtres humains, et les djinns, et même ce que nous faisons, c'est Allah. Tout cela est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun, c'est-à-dire, et Dieu vous a créé vous, et il a créé ce que vous faites. Donc on ne dit pas, il y a des langues ou des alphabets qui ont été créés par autre qu'Allah. Parce que cette phrase-là, elle revient à assimiler Dieu, elle revient à attribuer à Dieu un associé dans la création. Et ça, c'est la croyance des Mu'tazilites, des Qadariyya. Et le prophète a dit que ces gens-là étaient des égarés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Al-Qadariyyatu majusu hadhi l'umma ». Les Qadariyya, ceux qui prétendent, qui renient le destin, justement en prétendant qu'il y a des choses qui entrent en existence sans que ce soit Allah qui les a créées, et donc sans que ce soit Allah qui les a prédestinés, ces Qadariyya, ce sont les Mazdéens de notre communauté. Donc ils sont comme les Mazdéens, c'est-à-dire qu'ils prétendent qu'il y a plusieurs créateurs à ce monde, et ça c'est du shirk. Et ça c'est le plus grave des péchés, c'est de la mécréance. Donc celui qui a cru qu'il y a des choses qui entrent en existence sans que ce soit par la création d'Allah, celui-là, il n'est pas musulman. Et il doit revenir à l'islam en prononçant les deux témoignages et en rejetant cette mauvaise croyance de son cœur. Alors, quelqu'un demande au sujet de Moussa et Haroun, qui est le plus grand, qui est le plus petit? Il y a divergence, qui est le plus grand et qui est le plus jeune, qui est le plus âgé et qui est le plus jeune? Il y a divergence. Certains ont dit que Haroun avait 3 ans de moins que Moussa alayhi salam. Il y en a qui ont dit que Haroun avait 1 an de plus que Moussa alayhi salam. En tout cas, ce qui a été rapporté de manière sûre, c'est que Haroun est né dans une année dans laquelle Pharaon ne tuait pas les bébés. Alors que Moussa est né dans une année dans laquelle Pharaon tuait tous les bébés. Très bien, je vois qu'il n'y a plus de questions. Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous samedi, inshallah, pour le prochain cours. Mais ce sera un cours sur, inshallah, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont dans le livre Les Jardins des Vertueux, Riyad al-Salihin, de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته